Ursus, philosophe, comprenait. Il approuvait la fascination d'Ea. Il disait: l'aveugle voit l'invisible. Il regardait Gwynplaine, il grommelait: demi-monstre, mais demi-dieu. Gwynplaine, de son côté, était enivré de Dea. Il était l'horreur, elle était la grâce. Il y avait du rêve en Dea. Elle semblait songe, ayant un peu pris corps. Il y avait, dans toute sa personne, dans sa structure éolienne, dans sa fine soupe-taille inquiète comme le roseau, dans ses épaules peut-être invisiblement ailées, dans les rondeurs discrètes de son contour indiquant le sexe, mais à l'âme plutôt qu'au sens. Et elle était tout juste assez femme. Gwynplaine et Dea, c'était un couple, et ces deux cœurs pathétiques s'adoraient. Un nid et deux oiseaux. C'était là leur histoire. Ils avaient fait leur entrée dans la loi universelle qui est de se plaire, de se chercher et de se trouver. De sorte que la haine s'était trompée. Les persécuteurs de Gwynplaine, quels qu'ils fussent, avaient manqué leur but. On avait voulu faire un désespéré. On avait fait un enchanté. On l'avait d'avance fiancé à une plaie guérissante. On l'avait prédestiné à être consolé par une affliction. La tenaille de bourreau s'était doucement faite main de femme. Ainsi vivaient l'un par l'autre ces infortunés. Dea appuyée, Gwynplaine acceptée. Cette orpheline avait cet orphelin. Cet infirme avait ce difforme. Ces veuvages s'épousaient. Gwynplaine avait une pensée. Que serais-je sans elle? Dea avait une pensée. Que serais-je sans lui? Ils étaient inexprimablement heureux. Ces heureux habitaient l'idéal. Ils y étaient, époux à distance, comme les sphères. Ils échangeaient dans le bleu les flux profonds qui, dans l'infini, est l'attraction, et sur la terre, le sexe. Ils se donnaient des baisers d'âme. Telle était cette idylle éclose dans une tragédie.